La conversion de Hamza, fils de Abdul Muttalib. C'est dans ce sombre contexte d'injustice et de tyrannie que jaillit soudain une lueur d'espoir pour les opprimés, à savoir la conversion de Hamza, fils de Abdul Muttalib, au mois de Dhul-Hijjah de la sixième année de la mission prophétique. Ainsi, il a été rapporté qu'un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était assis sur la colline d'As-Safa, Abu Jahl vint à passer et se mit à l'insulter. Muhammad, alayhi salatu wassalam, garda le silence. Abu Jahl continua cependant à laisser libre cours à sa folie. Il saisit une pierre et la lança contre le prophète, alayhi salatu wassalam, dont la tête commença à saigner. L'agresseur partit ensuite rejoindre les Quraishites dans leur lieu de réunion habituel. C'est alors que Hamza, rentrant de la chasse, passa par le lieu où s'était déroulée l'agression, son arc suspendu à son épaule. Une esclave appartenant à Abdullah, fils de Jad'an, qui avait assisté aux événements, lui en fit part. Hamza se sentit profondément offensé et il se dirigea vers la mosquée sacrée où il trouva Abu Jahl assis en compagnie des Quraishites. Il l'injuria et le frappa violemment avec son arc sur la tête en disant « Oses-tu agresser Muhammad alors que moi-même je suis sa religion ?» Des hommes du clan d'Abu Jahl, les Banu Makhzoum, voulurent intervenir pour le défendre. Les Banu Hashim en firent de même, mais Abu Jahl dit aux siens « Laissez Abu Omara aller en paix. J'ai en effet adressé à son neveu d'ignobles et graves injures. » En fait, la conversion de Hamza provenait initialement de la fierté d'un homme qui n'acceptait pas que les autres humiliaient un parent à lui. Plus tard, cependant, Dieu ouvrit son cœur à l'islam. Il s'accrocha alors à l'anse la plus solide, la foi en Dieu, apportant aux musulmans un appui considérable.